Bon, je sais pas si... Non, c'est pas tout ici pour le 101. On a fait un aperçu. C'était quoi la balado? Là, on va faire quelque chose. J'ai même pas de slide, de préparer, rien de ça. On fera vraiment... On va en faire un. Une émission audio. Parce que je suis un gars audio plus que vidéo. On va s'amuser un peu. Puis on va créer une émission. On va voir c'est quoi de créer une émission en audio. On est d'accord? Parce que sinon, la bière est pas loin. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je parlais de la dernière fois que... On a des choses à décider avant de créer quelque chose. Everybody understands French, right? Bienvenue au Québec, on est bien? OK, good. On va y aller par étapes. On a des choses. On parle de quoi? On va faire des notes. On va enregistrer, on va créer un P3. On va mettre ça sur un serveur. Ben ça, on va peut-être attendre. C'est pas la bande passante ici. Les connexions sont des fois whatever. Ouais, c'est ça, ben là je suis correct, mais... T'as fait fil, en fait, t'as plugé direct sur le bouton, ça va être... Non, j'étais à 6 cm, je suis prêt. En tout cas, merci. C'est bien. T'es un vrai chat. OK, donc, c'est ça, on va faire de quoi? Là, c'est interactif, hein? Je suis pas tout seul à parler là-dedans. Puis sur la balado qu'on va créer, j'ai pas un estime à dire. C'est tous vous autres qui va faire quelque chose, puis comme vous voulez. Ça va être comme Survivor, on va choisir qui va parler. Bon, ouais, ça fait ça mes slides. Bon, qui qu'on veut rejoindre? Suggestion, parlez, faites quelque chose. Ah oui. On sait pas qui qu'on veut rejoindre. Hein? Les gens qui sont ici. Harper! OK, maintenant, on va échapper la politique. Un peu. On a beaucoup d'arrière dans le bord, là. Faut pas être gentil. Bon. OK, d'abord, c'est quoi l'objectif, là? Au lieu on va choisir la cible après, parce que, dans le fond, la cible, who cares? C'est de quoi qu'on veut parler. Donc, quel sujet qu'on pourrait parler, ça serait quoi qui serait bon en balado, audio? C'est sûr que si on parle de peinture, c'est moins évident en audio. Sauf si on parle de technique, de peinture, on peut dire, pinceau, tu montes, tu attends qu'il y ait de peinture, ça, tu descends. T'sais. Mais là, les sujets, un sujet quelconque. Si vous voulez faire de la balado, vous êtes ici, vous voulez faire de la balado? C'est quoi que vous voulez faire de la balado? Quelqu'un qui va faire un bébé bientôt, là. Ça te tracasse? Non? Laurent? Hein? Okay. En Afrique bientôt, pour un stage. Quelque chose pour raconter aux étudiants quand on vient ici au Québec. OK. Hein? OK. Donc, on parle de grands voyages. On est d'accord? Un bébé sur les grands voyages. Oui. OK. Yes. Correct. On va marquer ça, là. C'est elle qui parle. On va faire ça. Ils sont déjà partis. D'habitude. Hein, plus que tant que ça avant que le monde m'aïsse. Bon, on parle des grands voyages. Les grands voyages. Ça, en bonne façon, on appelle ça les show notes. Parce que c'est ça qui va être notre topo pour notre programme. Les grands voyages. Donc, si on retourne à l'autre affaire, c'est-tu pour faire de l'éducation ou la promotion? On essaie-tu de vendre les grands voyages comme le gars faisait à TVA dans les années 70? Là? Ou on essaie-tu de juste parler des gens qui ont fait des grands voyages? Ou parler même avec les gens qui ont fait des grands voyages? Hein? Option 2. Donc, on parle à des gens qui ont fait des grands voyages. Ça serait quoi un beau titre pour l'émission? C'est les grands voyages. Ça pourrait être les grands voyages, là, mais... Essayons d'être créatifs un peu, là, si samedi après-midi, on est capable. Tu vas juste enregistrer perdu sur la planète.com. Perdu. Je ne mets pas mes accents, excusez-moi. Keyboard dans bon. Perdu sur la planète. OK. On parle d'un voyage par épisode ou on parle de plusieurs voyages? Juste un, c'est en masse? OK. Un voyage. Vraiment. OK. Un voyage par épisode? Une journée. Une journée? Une journée par épisode? Une journée du voyage, par exemple. Ce matin, je me suis levé, les bobettes n'étaient pas si pires, j'ai gardé une autre journée. C'est un voyage, c'est un truc, c'est pas le voyage en fait. OK. C'est un truc. Un truc. OK. Donc, là, on va y aller par vote. Là. Ça nous prend quelque chose de très technique pour la prochaine étape. En bon français, ça nous prend une gueule. Une gueule. I'm out. Ça va être qui? Je vais pointer quelqu'un, moi, là. J'ai une gueule à l'année, je suis capable. Dis bonjour, Bob. Bonjour, Bob. OK. Son nom, c'est? Nadia. Nadia. Bon. Je ne sais pas manquer, non. Nadia. Quand je l'ai fort, tout le monde va me connaître. Avec Nadia. Nadia, la Castafiore. Nadia, on est tous d'accord sur Nadia? Bon. Qui a fait un grand voyage? Toi, tu vas en faire, hein? Toi, tu as fait un grand voyage? Oui. Oui, je suis conduisé dans un grand voyage. Oui, j'ai voyagé. Ah oui, j'ai eu une avec Costa Chica. Nadia, comment c'est? Excuse-moi, j'ai manqué. Une soirée dans un igloo. Soirée dans un igloo, c'est bon ça. Avec trois skis. Bon, OK. Une soirée. Un igloo. Ah, voilà. Voilà. Bon. Ton nom, c'est? Martin. Il me semble qu'il y a plus de lettres que ça, c'est pas pareil. Non, ça, je t'épargne, c'est mon prénom, mon Martin. Ah, OK. Bon. Avec Martin. Quelle sorte de questions? Là, on va passer évidemment Marty en entrevue. Quelle sorte de questions qu'on pourrait poser à Marty? Quand tu es pour Saint-Marie dans l'église. C'est fun, hein? Je voudrais quand même essayer de faire quelque chose de plus développé avec ça. On va placer le contexte. Placer le contexte, OK. Alors, on va commencer avec le contexte. Contexte. Bon, le contexte. Qui le fait? C'est Nadia ou c'est Marty? Qui va le faire? Parce que c'est Nadia le host. Donc, en deux phrases ou une phrase, dis-moi, c'est quoi le contexte? Parce qu'on ne fait pas une émission de l'heure, quand même. OK, contexte, tournage d'une course de train coaching. Quoi? Tournage d'une course de train coaching. OK. C'est dans le nord. On commence à aimer ça, hein? Course. Ouais. OK. Il fait bien froid, il fait moins 45. OK. Donc. Là, on est tous au niveau de réalisation. On sait qu'est-ce qu'il a fait. Il est allé dans un igloo, il est couru avec le pitou. Qu'est-ce qu'on lui pose comme question? Vous êtes obligé de répondre. Qu'est-ce qu'un chien doit manger pour être face à tout? OK. OK. Bouffe, pitou. 50 livres de caribou. 25 livres. Bon, je réponds tout de suite. Garde ça pour l'émission, c'est bon. Brûle-toi pas tout de suite. OK. Bouffe. Après ça, d'abord, faisons une question qui sera bon pour Marty pour son affaire. La température, peut-être, des igloos? Les conditions de travail. Les conditions de travail. Le travail. C'est très bon, ça, comme question. Pourquoi? Pourquoi tu pensais quand tu as fait ça? OK. On va en faire une autre question, juste pour dire qu'on arrive à un numéro. C'est important. Ben, oui, c'est fait pas très mauvais dans mon histoire. Non, mais je pose la question, je n'ai pas ce que tu viens de dire. Mais quand on commence à développer une histoire, okay. Le résultat, peut-être pas. Tu as fait une course, tu as gagné. Deux morceaux de bravo. C'est peut-être pas ça la même histoire. La même histoire, c'est que tu étais un gars de Montréal, tu t'es remonté dans le Nord sans Internet, puis là, tu étais sur la neige sans Internet. C'est quelque chose, ça. Fait que c'est peut-être plus ça l'histoire de l'histoire. On ne sait pas qui t'a gagné. C'est juste une équipe. Si on parle d'une game d'hockey, puisqu'il y avait beaucoup de, je sais pas, de tension, puis beaucoup de whatever, puis dans le fond, c'est en balance qui a gagné, mais l'histoire est bonne pareil. C'est juste ce que je veux dire. C'est, quand on est là pour une histoire, quelque chose pour penser à ça, c'est peut-être pas le résultat, c'est le journey, c'est le voyage qui est intéressant. Si on parle de grand voyage, c'est peut-être pas le. Si on parle de course, c'est peut-être plus important. Et là, vu qu'on parle de voyage, je pense que c'est à vous ça la mission. Le souvenir, ça, c'est une belle façon de finir, ça, c'est bon ça. OK. Souvenir. À la fin, en général, qu'est-ce que c'est l'expérience? Ça fait tu avec souvenir? C'est global. Ouais. Ouais, OK. Ouais, souvenir. Tu veux. Petit. Le. Ah, en tout cas. T'as-tu pu voir là quand je tape? Bon. Après ça, on couvre quand même bien notre sujet de course. Des légumes, on en parle pas les gens, hein? Des légumes, ça va bien avec les inuits pendant deux mois, par les chiens. Comment est-ce qu'il a dormi dans les lits? Parce qu'il est tout seul dans le coup. Quand t'as envie, tu sors-tu des loups? Hein? Oui. Mais, non, c'est toutes des très bonnes questions. Parce qu'on est parti avec des grands voyages. Parce que tu vois, si on essayait de faire le même cheminement, disons que mardi, je l'ai pour une demi-heure, puis je veux faire une émission intéressante. Mais là, je viens de passer ce procès-là, mentalement. Mais là, à mi-chemin dans l'entrevue, ah, mais de fin de compte, c'est plus intéressant la course, whatever. Je me ramasse avec quelque chose qui s'implique bout. Parce que, une histoire, pour que ça tienne, ça a un début, un milieu, une fin. Si le milieu ne fait pas avec le début puis la fin, ça ne marche pas. Donc, pour créer quelque chose qui est attrayant à l'oreille, parce que ça prend une histoire. Donc, on veut toujours avoir une résolution de l'histoire. Idéalement, il y a des cours qui se donnent là-dessus. Tu présentes un conflit. Après ça, tu montres la tension. Puis à la fin, c'est la résolution du conflit. C'est un peu ça. Puis même si c'est pas une chicane, c'est important. Tu n'as pas amené une gamme? Non. OK. C'est correct. Non, c'est correct. Non, c'est correct. Non, c'est correct. En tout cas. Fait que l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une histoire qui se tient. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de compter l'histoire, mais on essaie aussi de garder l'attention de l'auditeur. Fait que c'est bon, c'est des questions qu'il faut se poser. On veut-tu parler plus du voyage? On veut-tu parler plus de... Fait que, je pense que pour le contexte qu'on fait ici, on peut parler de la course, puis on peut dire... C'est une très bonne question. On veut son limite à quoi quand on passe en entrevue? Puis c'est vraiment les émissions qui sont plus le fun, parce que si tu es une personne qui arrive juste et qui exprime tes opinions, prends un bout de temps, là, moi, on va t'écœurer tes opinions. Mais quand tu peux apporter les opinions d'un autre, puis tu es capable d'aller chercher les opinions de l'autre personne, des informations intéressantes, c'est là vraiment que tu peux créer quelque chose de captivant. Bon, qu'est-ce qu'on disait ici? On disait le nombre de... Nombre d'épisodes, blablabla, fréquence, mais ça, on est d'accord qu'on en fait rien qu'un. Mais ça pourrait être la primaire d'une série hebdomadaire ou mensuelle, whatever, sur les grands voyages. La prochaine chose qu'il faut faire, ben là, on va enregistrer notre contenu de base, si vous voulez. Donc, je m'en vais à Nadia et Marguerite de s'asseoir près l'un de l'autre. Juste pour vrai, là. J'envoie ça à tous tes amis, là, tu vas voir, tu vas être gêné au bout. Mais on parle de Marley, mais là aussi, c'est que l'émission, ça prend une structure. C'est un peu sûr, ça, c'est pas que ça serait là. Ça prend une structure. Donc, on en sait, là, dans le contenu, vu qu'on fait un épisode qui se répète, ce serait quoi le fun? C'est Nadia qui fait l'émission. Donc, ce serait bon, introduction. On va faire l'intro pour l'émission. C'est l'intro. Intro. Je suis Nadia, bienvenue à mon émission. On connaît tout ça, on l'a entendu 2 millions de fois dans notre vie, que ce soit le hockey, que ce soit les nouvelles. Bonjour, je m'appelle Bruno Dara, mais voici les nouvelles de ce soir. Ça prend ça, le cerveau, il a besoin de ça parce que ça dit, écoute, dans 30 secondes, il y a quelque chose qui commence. Tu peux pas juste commencer, puis Marty, comment ça va? Prends-moi ton voyage. Tu peux pas faire ça, ça fait ça. C'est comme n'importe quoi de bon, ça fait un build-up, tu sais. Bon, donc on a fait notre intro, blablabla. Après ça, l'introduction du sujet. On parle ce soir de du grand milieu à Grand Prix. Après ça, l'entrevue. Parfait. Et après ça, c'est l'extro. On va dire en anglais, je pense en français aussi. L'extro, c'est quoi? L'extro, c'est qu'est-ce qu'on demande. Bon, là, tu as entendu l'histoire de Marty? Là, voici qu'est-ce que je veux que tu fasses. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être achète le géritol, ça va orange, comme ça, je fais de l'argent. Ou ça peut être abonne-toi, viens voir mon site web. Tu vas savoir quand est-ce que la prochaine émission sort. Tu peux commencer à bâtir ta relation avec ton histoire comme ça. Yeah. Fait que l'idée, c'est que tu ne fais pas juste ben, bye Marty! OK, c'est fini. Ça prend la résolution. Donc, l'extro s'occupe de ça. On peut donner des numéros de téléphone. Bon, si vous laissez un commentaire, envoyez-nous un courriel, appelez notre boîte vocale, toutes les choses comme ça. Mais comment bâtir la communauté? Parce que là, si tu fais ça, La personne qui a écouté ton contenu, puis qui sait que son chum aurait bien aimé ça, il sait quoi faire. Même s'il le savait dans le fond, des fois, il faut le dire. On est d'accord avec ça? Parfait du monde, jusqu'à présent. Bon. Là, j'enregistre pas un taser, hein. Ça s'appelle un H4. C'est un enregistreur numérique, tout simplement, avec les micros intégrés. Donc, très pratique. Non, c'est bon, ça. Bon. On va faire ça en section. Vous avez vu ça. Nadia, si tu voudrais faire la première partie, ton intro. Bonjour, vous êtes aperçu sur la planète avec Nadia. Aujourd'hui, on se perd dans le Nord. Alors, on parle d'une soirée dans une igloo avec Marty, notre invité. Et j'arrête l'enregistrement. Une victoire. First take, home run. Hey, c'est bon. C'est bon. À la maison, que ça arrive, c'est Henri juste. Je m'appelle. On recommence. Mais là, c'est bon. C'est one take, Nadia. Parfait. Là, si on essaie de créer une image dans la tête de notre auditeur, on veut-tu que ce soit Marty et Nadia dans un café qui parle du voyage? On voudrait-tu que ce soit comme les couches-tards, ou que ce soit vraiment des personnes en face puis une salle? Je pense que c'est plus fun vu qu'on est une salle. Parce qu'on peut faire comme. Tu peux être l'invité de Nadia à son émission. Donc, qu'est-ce que ça prend pour faire ça? Comme un talk show, merci. Je cherchais le mot français, talk show, c'est vrai. Fait que. Oui, c'est vrai. J'écoute plus la télévision, peut-être. Fait que. OK. Mais là, on veut créer l'atmosphère d'un talk show. Vous êtes d'accord? Et là, on va se mettre à applaudir. Je vais lever la main parce que un talk show. C'est niaiseux, mais tout le monde applaudit. Ils n'ont rien fait encore, mais tout le monde applaudit. OK? Bon, OK. Fait que ma main, c'est écrit à blanche, OK? C'est très bon, vous êtes habitués, hein, c'est bon. OK. Là aussi, ça prendrait peut-être des réactions. Si Marty dit quelque chose de controversé. Moi, je suggérerais peut-être d'entendre des espèces d'aboiements de chien dans le background. Parce que là, je suis dans une soirée dans un milieu. On est où, là, ça? Le contexte, c'est quoi? Tu peux faire japper, là? Non. Pas de mauvaise idée. Voulez-vous faire les pitous? Oui, j'appuie. OK. On va acheter ça. Attention, un ski, ça jette de façon spéciale. Ouais, c'est pas pire. Le pitou, ça parle pas. On va commencer. Pitou. Ouf, ouf. Pas papa. OK. Entre autres, la balado vous permet de lever la main et faire japper une salle. Non, c'est pas pareil. Ça marche pas en messe, ça, là. Bon, on continue. On a le pitou, on a un applaudissement. Là, disons, je sais pas ce qu'il va dire, mais on voudrait peut-être être prêt à avoir des réactions de l'auditoire. Donc, quand je vais lever la main, je veux la réaction comme... Ça se peut pas qu'il vienne dire ça. C'est un espèce de... Un obsédé sexuel, je sais pas, là. Mais c'est affreux ce qu'il vient de dire, donc vraiment, je vais entendre une voix choquée. OK? Ah! Pourquoi c'est très bon, c'est très bon. Bon. Puis là, disons qu'il va dire quelque chose de drôle. C'est bon, hein? OK. Hey, j'espère que la carte de mémoire est bien, parce que ça va. OK, s'il a dit quelque chose de drôle. Bon, OK. Bon. Merci. Vous êtes tous en balado, c'est le fun. Une quelle heure? OK, on est une demi-heure. Donc, là, vient le temps d'enregistrer l'entrevue. Remarquez que j'enregistre pas en séquence, j'ai pas juste mis là. Parce que si on enregistrait ça live, puis disons qu'il y a un micro qui est mal placé, ou vous riez trop fort, ou whatever, on n'entend plus que ce qu'il dit, on vient de briser l'illusion qu'on essaie de créer dans la tête de la personne qui écoute l'émission. Fait qu'en enregistrant tout à part, on peut monter ça après ça comme on veut, puis on va pas contrôler. Si la foule rit trop fort, on va baisser un peu. Comme ça, on rit, mais ça n'enlève pas que ce qu'il disait. Des choses comme ça. C'est ça qui est le fun d'enregistrer ça à part. Puis la réalisation, dans le fond, c'est ça, c'est de prendre tous les petits bouts, de créer une émission avec ça. Donc, tu vois les questions? Ouais. OK. Fait que, disons que j'arrêterai pas là, pour les hum, puis whatever, là, mais petite entrevue rapide, puis on va faire ça. Attends une seconde. Allô, Marty. Écoute, tu viens nous parler de ta soirée dans un igloo. Moi, j'ai tout d'abord une petite chose que j'aimerais te demander. Tout à l'heure, tu nous as dit que ton nom, Marty, c'était la forme courte. Donne-nous donc la forme longue, juste pour qu'on situe. Ah, c'est Kanadagatsu, c'est un prénom en langue mohawk, qui veut dire protecteur du village. Kanata, au village, Katsus, protection. Et là, toi, ça faisait partie, c'était quand tu t'es retrouvé dans le contexte, tu es allé faire une course de chiens, finalement, dans le Nord. Est-ce que ça a un rapport, justement, avec ton origine? Ah, non, en gros, j'étais réalisateur de la première course télévisée des Inuits, qui voulait un peu recapturer la tradition, donc la course de traîneau-chien. On est parti d'un village qui s'appelle Umioyak. On a fait 500 milles dans la toundra jusqu'à Powonitouk. Ça a duré un 11 jours. On est rendu pas mal au nord. Là, quand oui, on est au nord de la baie James, effectivement. OK, alors on parle justement là, on est rendu dans un endroit, disons que la température est assez froide quand on est rendu, j'imagine. Oui, assez froide, mais c'est tellement exigeant au niveau physique que les mushers qu'on appelle, donc ceux qui conduisent les chiens, on en a aperçu quelques-uns qui étaient en t-shirt à moins 40. Parce qu'il faut le dire que sur une course de 5 heures, ces gens-là, la plupart du temps, ils vont faire du jogging. Ils ne sont pas sur leur sled. Ils doivent guider les chiens, prendre soin de ceux qui sont blessés, nourrir les animaux, les abreuver. Et c'est une course, donc il n'y a pas de temps à perdre. Puis là, quand tu es comme ça, tu es dans la toundra avec une horde de chiens, littéralement. Comment tu t'arranges pour la nourriture et tout ça? Il faut que tout ce monde-là se sustente puis puisse finalement manger, puis etc. Donc, il y a des équipes, les mâcheurs qu'on appelle, qui ont des équipes constituées et des guides. Donc, eux vont aller à la chasse, ils vont être en amont. Ils vont aller chasser le caribou, ils vont aller pêcher. Donc, dans notre course, on était chanceux, on a tiré quelques phoques, un beluga, deux caribous. Donc, c'était, si on veut, la nourriture avec laquelle on a. C'est sur place. Oui, exactement. Sur place pour les chiens. Oui, on avait quand même la bouffe en réserve, mais tout s'est fait là, on the go. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Puis, qu'est-ce qui vraiment t'a marqué de ça? Parce que tu nous as parlé de ta nuit dans un igloo. Ça a l'air d'être quelque chose quand même dans cette course-là qui t'a surpris. C'est pas tant la nuit, c'est plutôt une anecdote. J'étais avec mon caméraman et puis il était en train de manger une boîte de thon. Nous, on n'avait pas la même bouffe que ceux qui coursaient. Et il a laissé traîner sa boîte de thon. Et tout d'un coup, on a aperçu un équipage qui se dirigeait droit vers nous. Et le mâcheur qui avait perdu le thon, complètement le contrôle de son équipe de chiens. Mm-hmm. Et les chiens visaient la petite canne de thon qui traînait dans ton bras. Et je peux te dire une chose, c'est qu'une fois que l'attelage est arrivé dans une caméra de 45 000 $, on a vu le plan suivant, la caméra qui tombe et le mâcheur qui n'était pas très heureux. Donc, la leçon à retenir, lorsque vous êtes dans la toundra, qu'il y a une course, votre canne de thon, mettez-la dans votre pack. Oui, parce que c'est ce qu'ils n'ont pas qu'ils veulent avoir, évidemment, ces pauvres chiens-là. Exactement. Hein, on comprend tout à fait. Et qu'est-ce que tu as retiré de ça, finalement? Parce que tu as fait un film avec Oui, on a fait un film. En gros, dans les soirées, ce qu'on recueillait, c'était des témoignages des aînés. On s'est rendu compte que pendant les années 30 à 40, la GRC, la SQ, avec la complicité du gouvernement fédéral, ont empoisonné leurs chiens. C'est sorti pendant cette course-là. Donc, c'était au début une course très sportive. On est allé au-delà de ça en faisant parler les vieux. Ouais. Ils nous ont raconté que dans mon village, j'ai eu tant de chiens qui sont tout le temps empoisonnés. Et de fil en aiguille, les vieux de différents villages sont aperçus qu'ils sont tous empoisonnés. À la même époque, étant donné qu'il y avait très peu de moyens de communication, donc pas d'Internet à cette époque-là, donc les gens ne savaient pas ce qui se passait. Ils l'ont appris en 1999, cette course-là. OK, puis ton film, ça dévoilait ça, ce que vous travaillez. C'était pas. Quand on fait un documentaire, on ne sait jamais où ça nous mène. Et là, ça nous a mis directement vers. Ce savoir-là des aînés. Manger du beluga, coucher à la baie dans un igloo, puis apprendre qu'il y avait des histoires de chiens empoisonnés. Effectivement, mais dans l'igloo, c'est plutôt humide, je dois vous avouer. Donc, moi, j'ai regardé mes chums inuits dormir, et moi, j'étais là, il est rendu quelle heure? C'est très, très froid et très humide. Fait que c'est quand même, c'est plein de souvenirs assez incroyables. Oui. Puis finalement, c'était qui le chien qui a gagné cette course-là? C'est pas une question de chien, c'est un équipage, c'est drôle. Le premier jour du départ, on a un vieux qui s'appelle Atami Sivoirapik, 77 ans, qui est allé voir un jeune, il dit moi, j'ai rêvé que j'ai gagné cette course-là. Et 10 jours plus tard, il a gagné cette course-là. Il avait 11 heures de retard à l'avant-dernier jour. Ouais. Et lui, connaissait tous les raccoins sur le bord de la banquise. Il contournait les trous d'eau, alors que tous les autres étaient plus à l'intérieur des terres. On le voyait vraiment sur le bord de la mer, prendre des risques. Il a gagné la course. Bien, comme quoi, l'expérience, des fois, c'est bon. Hein? Exactement. Un homme de 77 ans qui a fait la barbe à des jeunes dans la vingtaine. Bien, écoute, c'est un bel espoir pour nous tous, ça. Là. Voilà. Bien, merci beaucoup, Marty. Alors, on conclut avec ça. On a donc vécu un petit peu toute l'excitation d'une course de chiens dans le nord, dans la toundra. Et la semaine prochaine, on va s'entretenir avec Suzy qui va nous parler de son voyage au Mali. Pour changer de paysage. Hein? Ça, c'est le fun comme entrevue, hein? Le gars, il était pas juste... Ouais, on est allé en or. Tu sais, il était prêt à être engagé dans la conversation. Nadia, t'es allé chercher, c'est bon aussi. C'est juste ça qui est le fun. T'embarques quelqu'un, là, une belle histoire, ça. Il a, s'il y avait du montage, ou ce que dans le milieu de l'histoire, il avait parlé de sa tante qui a fait quelque chose de croche, on aurait pu l'enlever. Mais là, il n'y a rien enlevé là-dedans, là. Mais c'est, il y avait un bon flow. Fait que, bon, on a autre chose dans ton extra. Je pense qu'on est prêt à faire un montage. On va voir ce que ça donne comme émission. Et que j'espère que ça enregistre. Des fois, là. Mais vous savez que l'entrevue, c'était bon, c'est à cause du texte que j'ai écrit là. Là. Mais c'est ça qui est important. C'est bon d'avoir les notes, mais ça soulève un bon point. C'est que souvent, tu entends ce monde qui suivent les notes, puis là, tu dis, « Oui, mais t'as-tu du fun? » Ben, j'ai eu du fun, sauf la fois parce que je suis quasiment mort. Puis, le mardi, t'as fait quoi? Faut que tu suives le gars à qui tu parles, là. Il va t'amener, il y a une histoire à raconter, souvent. Des fois, non, c'est plate. Mais faut que tu suives la personne à qui tu parles. Et des fois, la meilleure chose que tu peux faire quand tu penses quelqu'un en entrevue, c'est de fermer ta gueule. Parce que tu poses la question, puis là, il parle. « Bon, ben, c'était quoi l'expérience de faire de la prison? » »« Ah, ben, c'était pas le fun. » Dis rien. Comme la fois que j'ai sapé le savon. Tu sais, ah, ben là, c'est une autre histoire qui s'en vient parce que t'as rien dit. Des fois, souvent, quand on passe quelqu'un en entrevue, le monde qui sont moins habitués vont essayer de remplir les blancs. Les blancs, là, s'ils sont vraiment épais, tu peux les enlever après. Mais si tu le laisses là, t'as peut-être une occasion d'aller chercher une belle histoire ou quelque chose de plus. C'est de laisser le micro tendu. Ben, c'est ça. Rien qui t'attend, puis la personne. Tu sais, parce que le monde, ben, c'est moi qui passe l'entrevue, c'est que c'est moi qui vais parler. Oui, mais c'est toi aussi qui fais la réalisation. Fait que dans le fin fond de la chose, si tu veux en dire tant que ça, tu peux le rajouter après. Lui, il est parti. Fait que laisse-les parler. Même des fois, il y a des gens qui ne mettent même pas le micro vers eux. Ils vont enregistrer juste l'autre, puis ils vont aller réenregistrer les questions par après. Des fois, ça semble un peu moins naturel, là, si tu n'es pas habitué. Mais pour la qualité sonore, le monde va faire ça. Bon, on va voir s'il y a des choses sur cette carte noire-là. Une seconde, je vais vous mettre ça à l'écran. J'aurais dû commencer avec une carte. Regarde, c'est le fun. Tu peux mettre la date dessus si tu veux, je pense. J'ai pas été capable. Ah non? Ah, c'est cool. Je vais juste identifier les fichiers qui appartiennent à ça. Là, je vais mettre le son, hein? Fait qu'on parle. Donc ça ici, c'est le logiciel Audacity, ou Audacity en anglais. C'est un logiciel tout simplement de réalisation audio. C'est la première fois que vous voyez ça, une affaire comme ça? Ça fait peur des fois si vous n'êtes pas habitué. Regardez les touches en haut, là. C'est comme un magnétoscope. Ceux qui se rappellent des VHS, ben, stop, play, pause, stop, play, rewind, enregistre. Parce qu'ici, on n'enregistre pas, on va juste aller chercher les fichiers audio qu'on a créés. Ben, c'est mélangeant. Et on les amène là. Là, si la planète merde, on va voir les fichiers que ça a donné. Donc, on voit ici les sections qu'on a enregistrées tantôt. Si, par exemple, OK, il y a ici, il a dit quelque chose de drôle. Bon, on va-tu faire du ménage? Moi, ma grande gueule, j'ai pas besoin. Donc, vous voyez, si on regarde la forme, là, la partie juste à cause du curseur, c'est là que j'y parle. OK, il y a ici, il a dit quelque chose de drôle. Bon, donc, je m'enlève. Des livres, c'est en bon français. Bon, OK, ça c'est bon. Ça fait long, on va l'appeler Ray. Oui, on l'a fait, on est correct. Puis là, on va faire le ménage de nos choses comme ça. Ça, c'est le. On va appeler ça. On continue. C'est fascinant, non? Ah oui, c'est ça. Pas le choix. Mais faire de la balado, hein? Pas gratuit dans la vie. Bon. Ça, on balance. Une fois que j'ai changé, je mets un nom dessus. Fait que comme ça, je vais pouvoir trouver rapidement. Parce que les lignes bleues, là, ça ressemble à un bout de temps. Fait que là, je sais que Pitou, quand je vais aller chercher Pitou, je sais que je vais aller chercher là. De toute façon, on enlève ça. On va aller chercher le prochain, voir c'est quoi. Non, ça, c'est pas utile. On l'enlève. On a une dernière affaire. Ça, on appelle ça le clean-up. Avec ça, ouais. On va savoir de ce qu'on sort. Ça, c'est bien. Bon. On va faire ça en section. Je m'entends souvent. Bonjour, vous êtes perdu sur la planète. Allô, Marty, peux-tu nous parler? Bon, on voit que Nadia commence à parler ici. On va enlever le début. Puis la fin, on s'en occupe tantôt. Les questions jusqu'à présent, quand même simple. Hein? Je suis allé isoler l'audio que je voulais. Je voulais pas le clic au début parce que je m'en servais. Des fois, on va des bruits de micro, des fois, on va des l'auto qui passe. T'as une entrevue. T'arrêtes pas parce qu'il y a un auto qui a passé. Tu continues à enregistrer, tu lui demandes de répéter sa réponse. Comme ça, tu vas enlever cette réponse-là dans le montage. Donc, il manque quoi? Si on reste avec l'idée de faire un talk show, regarde, on a parlé quasiment 5 minutes de temps, sans script, c'est merveilleux. Bon. Ça nous prend des tonnes. Là, on se pourrait sauver du pod safe. On va aller chercher du pod safe. Fait que. Justement, un de mes chums à Vancouver s'appelle Derek Miller, Plan Machine, et lui, il a de la musique. Qui, tu vois? Free pod safe instrumental. Pod safe, ça veut dire que tu peux t'en servir dans la balado. Instrumental, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'isoler la partie où tu ne chantes pas. C'est merveilleux pour la musique de la musique de show. Donc on va aller voir ici, c'est quoi? Musique. Bon. On va trouver. Pourquoi commencer? Je pensais que c'était le site web qui commençait à jouer. Je garde pas de temps. Bon, on va en choisir une, là. Meltdown. Ouais, ça va être lui. Ok, Meltdown. Bon, on va l'écouter voir si ça a de l'allure comme émission de topo. On va chercher la toune. Là, on a la musique de thème. Une question? Oui. Pourquoi tu n'utilises pas avec ton Mac, GarageBand, il est bon. Il peut faire beaucoup de choses. Honnêtement, j'ai commencé avec Audacity. Audacity est multiplateforme, donc quand j'arrive chez quelqu'un, puis c'est du Linux, c'est du Windows, mon outil ne change pas. Fait que c'est pratique pour moi à ce niveau-là. Puis aussi, Audacity permet beaucoup plus de c'est comme la différence entre une transmission automatique et une transmission manuelle. Le contrôle, tu as plus de contrôle avec Audacity que tu pourrais avoir avec GarageBand. GarageBand, tu peux faire quelque chose de quand même très bon, mais c'est comme, soit c'est une voix, fais qu'est-ce que tu fais pour une voix, puis tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Parce que lui, je peux mettre mes effets de ma compression, mais les effets sonores que je veux mettre sur la voix, je contrôle tout. Puis, dans le fond, c'est une habitude que j'ai pris de travailler avec aussi. Enfin, oui? Non. Non, parce que Audacity ne comprend pas les images. Tu peux mettre des cue points, ça veut dire quand tu fais ton montage, tu peux mettre des jalons, des choses comme ça, mais ce n'est pas des chapitres comme on connaît dans du AAC, des choses comme ça. Non, c'est. Pour ça, GarageBand est beaucoup plus fort. Tu mets des images qui changent quand le AAC joue. Bon, ok, le download est fait. On va aller le chercher. Fait que là, notre musique. Je vais réduire. Donc, si je me sais ici en solo. Quand je pèse solo, je veux dire, dans le fond, je veux juste entendre cette piste-là, je veux pas entendre les autres. Je peux choisir faire ma voix en mute ou je peux mettre un solo pour entendre juste elle. Fait que là, je fais ça, j'écoute. C'est effectivement la musique. OK. Bon. Moi, j'aime ça travailler en waterfall. En basé, si vous faites de la gestion de projet quelconque, quand on regarde un plan de projet, tu commences toujours en haut à gauche, puis ton projet est fini quand tu es rendu en bas à droite. Quand tu montes un projet, un plan de projet. Donc, l'idée, c'est que moi, je commence moi-même, la minute zéro, je suis à gauche. Puis quand je vais rendu à la fin, je vais être là. Donc, qu'est-ce que la première chose que je vais faire, je vais monter ma musique en haut. Parce que c'est la première chose que je fais. Ma musique est rendue en haut. Je vais juste réduire le zoom un petit peu. Et. Là, je vais tasser l'entrevue parce que je sais qu'elle va passer. Bon. Après la musique, on a quoi? l'intro. Je vous endors. Hein. C'est dur après le match. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut commencer la musique et puis la faire baiser? Oui. Ça commence à parler par-dessus. Effectivement. Ben, on va faire mieux que ça parce que vous avez applaudi, on va servir de ça aussi. Donc, voici les trois choses que je veux faire ensemble. J'ai mon intro, ma musique, j'ai l'intro parlé de Nadia, puis j'ai l'applaudissement de la foule, qui n'en revient pas à quel point ils sont censés être l'émission aujourd'hui. Donc, je vais tasser le reste. Ça, je fais juste les tasser. Ça. Dans le fond, je les avance dans le temps, comme ça, quand je vais faire mon playback, je les entendrai pas dessus. Donc, j'ai ma musique, on va faire du zoom, voilà. Donc la musique commence. Levez vos mains quand ça serait la bonne place qu'elle commence à parler. Ça serait là? C'est drôle, hein? On le savait. Vous n'avez pas pris le cours en montage audio. On le sait. On est programmé à savoir qu'après X nombre de beats, il y a quelqu'un qui va parler. Bonjour et bienvenue. On est programmé à ça. Et la meilleure chose que tu peux faire pour ton auditoire, change pas ça. Parce que tu veux pas qu'il concentre sur ton intro, tu veux qu'il concentre sur ton contenu. Donne-lui une intro qui mentalement, subconsciemment, va le préparer à ton contenu. Donc, OK, c'est bon. On était là. On va tasser Nadia ici. Excuse-moi, Nadia. Et là, on enlève ça. Je vais tasser. Hey, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'attasser un petit peu plus, puis je vais faire applaudir. Je vais la mettre ce que c'était. Parce que je n'ai pas décidé. Ben, alors, on fait ça. Bonjour, c'est le Perdu sur la planète avec Mondial. Là, c'est de la cacophonie, là. C'est quoi cette affaire-là? La musique, il faut qu'elle fasse une chose très importante quand elle finit son affaire. Il faut qu'elle se tasse. Parce qu'elle a déjà essayé de parler. Donc, si on prend notre outil, on va y baisser le volume. On fait ça. Comme ça, c'est le volume. Ça. C'est vraiment la force. On va aller regarder là, on ne l'enlève pas complètement. Ben, on va essayer ici. On va tasser Nadia juste un petit peu. Comme ça, on va parler. Comme la musique baisse, ça va être comme si c'était fait par expert. Bonjour, vous êtes perdu sur la planète avec nous. OK, vous comprenez le principe, là? Là, la musique s'est tassée, là, subconsciemment, oh, il y a quelqu'un qui va parler. Bon, je vais écouter un petit peu. Là, si on veut vraiment TVA au bout, mais là, on va mettre l'applaudissement. Là, le monde va se mettre à applaudir. La musique est forte. Puis même, on va dire, oh, ils vont se calmer un petit peu les nerfs. On va baisser les applaudissements aussi, un petit peu. On va essayer de même. Là, Nadia, c'est sûr qu'elle va attendre que le monde a fini d'applaudir avant de parler. Un peu normal. Donc, qu'est-ce que ça donne quand elle fait ça? Bonjour, vous êtes perdu sur la planète avec Nadia. Pas pire, là. Hey, ça commence à faire une émission de radio, là. Là, je suis pas pire, je veux savoir c'est quoi son émission, là. Oui, on est à combien de secondes, là? On est à 15 secondes, puis on a déjà créé l'image dans la tête de la personne. Là, il veut savoir c'est quoi, la musique est pompée. Moi, on applaudit. Ils applaudissent pourquoi? Ça doit être bon. C'est ça l'idée. On monte un scénario. C'est ça l'affaire. Bon, là, je pourrais jouer avec les volumes beaucoup plus que ça, là. Jouer fine-tuner, vraiment, là, l'applaudissement est un peu fort. Je pourrais le baisser un petit peu, puis l'ajuster, tout ça. Mais je vois qu'il est moins 10. Donc, on va avancer un petit peu plus rapidement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais... La musique, il faut qu'elle s'en arrête. Si je l'arrête, sec. Quand elle part. Qu'est-ce que ça va faire comme effet? Je vais repartir à mi-chemin. C'est avec Nadia. Aujourd'hui, on se perd dans le Nord. Alors, on parle d'une soirée dans une vidéo avec Mike, notre invité. Oh! Là, ça vient de nous débalancer. Là. Il y a quelque chose qui vient de disparaître, puis on ne sait pas pourquoi. Ça, notre ami, c'est le fade-out. On va aller sélectionner un peu ça. Vous ne le voyez pas à l'écran de votre côté, mais là, je suis en train de faire une touche qui s'appelle Effect Fade Out. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça baisse le volume. Vous pouvez le voir. Ça, le bleu, il s'en va de plus en plus petit. Après ça, je recommence à jouer. Avec Nadia. Aujourd'hui, on se perd dans le Nord. Alors, on parle d'une soirée dans un igloo avec Marty, notre invité. Bon, la musique s'en va tranquillement. Là, on est prêt. Amenez, qu'est-ce que vous avez à m'amener? Bon, OK. On y va rapidement. Je n'arrête pas de dire, mais je ne le ferai pas. Je fais ça l'entrevue. OK. L'entrevue, on va l'amener là. C'est là que ça commencerait. Ça qui est fun, c'est que pas obligé de comme on faisait autrefois avec les bandes magnétiques, le temps de reculer pour réentendre quelque chose, c'était long. Mais là, c'est un clic. Ça va à peine de savoir tout de suite ce qui se passe. Je leur parle dedans. Là, ça devrait aller dans l'entrevue. Bonjour, vous êtes aperçu sur la planète avec Nadia. Aujourd'hui, on se perd dans le Nord. Alors, on parle d'une soirée dans une igloo avec Marty, notre invité. OK, là, je pourrais la tasser pour que ça soit plus vite. De l'entrevue commence. Allô, Marty, peux-tu nous parler de ta soirée? Bon, ça fait que là, le petit blanc de temps, je pourrais le tasser comme ça. Bon, Marty commence à parler. Là, le contenu devient important. Et là, toi, c'était quand tu t'es retrouvé dans le contexte, c'est d'aller faire une course de chien finalement dans le Nord. Est-ce que ça a rapport justement avec ton origine? Ah non, mais où j'étais réalisateur. Bon, disons que ce serait peut-être pas la meilleure chose à faire, là, mais elle a dit chien. Fait que là, on va chercher Pitou. Mais là, on va amener Pitou. Oups. Hé. Tasse-toi, Pitou. Ah. Là, c'est à peu près là qu'elle l'a dit. Les Pitou, on veut pas qu'ils soient en avant-plan quand même. On va les cacher un petit peu. Là, comment que ça sent? Dans la forme longue, juste pour constituer. Ah, c'est Genadagatsu, c'est un prénom en anglais. Tout d'un coup, on est sur le glacier, là. On est rendu, là. C'est sûr que t'as juste le timing, là. Ça n'a pas rapport avec son nom, là. Mais c'est pas dire que t'es un chien, Marie. Mais là, OK. Les autres réactions? On est au nord de la baie James. OK, au nord de la baie James. Moi, au nord de la baie James, ça me fait rire, tu peux pas savoir. Là, ça. Nord de la baie James. Il n'y a pas rien plus au nord que ça. Allez-y, nord de la baie James. Fait que là, si on écoute notre Marty. Les auteurs de la première course visée des Inuits, qui veut recapturer la tradition, donc la course de Trail Ocean, on est parti d'un village qui s'appelle Umioyak. On a fait 500 000 dans la toundra jusqu'à Pouronitouk. Ça a duré un 11 jours. On est rendu pas mal au nord. On est au nord de la baie James. Oui, qu'est-ce que vous pouvez faire, là? Le rire avait pas rapport à ce qu'il a dit. Mais là, la personne qui écoute, là, non, mais c'est quoi ce qu'elle drôle avec la baie James? C'est la puissance. Moi, je vais dire, je suis un gars audio plus que vidéo. Parce que pour créer le même vidéo qui a montré Marty dans l'igloo avec les pitous, il fallait prendre une caméra et aller le monter dans l'igloo avec les pitous. Mais là, je l'ai fait. On l'a fait ici, là. Et là, on a mis des pitous, on a mis c'est le fond de pareil. C'est ça, la puissance de l'audio. Là, qu'est-ce qu'on fait? On construit l'entrevue. À la fin de l'entrevue, on mettrait la musique de fin. On fait un fade-out. Ouais, je pense que là, on arrive à la fin. On peut faire la musique de fin si on veut. Juste pour comprendre le principe. Je vais aller rechercher la musique. Où es-tu qui me sert? Là, au début, que j'avais fait, la musique, je l'avais amenée, j'avais ajusté le début comme je voulais, puis j'ai chopé le reste. Là, je vais faire l'inverse. Parce que la musique aussi, elle indique à l'auditeur qu'on a quasiment fini. Des fois, on a besoin de ça. Fait que la musique, l'entrevue finit là. Là, je vais faire, même sans l'écouter, je vais faire le contraire. Je vais tracer ça ici. Ça prend pas 20 minutes de musique quand même. J'enlève le début de la chanson. Ça risque de faire quand même pas mal. Ça, son extro est là. Puis là, je vais faire le contraire. Au lieu de faire un fade-out, en bon français, je vais faire un fade-in. Et voilà. Là, vous pouvez voir le bleu qui va en montant. Donc, on écoute la fin de l'entrevue, pour voir ce que ça donne. On aurait pu mettre l'applaudissement encore, le copier puis le ramener. Ça fait que je l'enlève. Il y avait des histoires dans le. On sait plus. Et lui, il connaissait tous les raccoins sur le bord de la banquise. Il contournait les trous d'eau, alors que tous les autres étaient plus à l'intérieur des terres. On le voyait vraiment sur le bord de la mer, prendre des risques. Il a gagné la course. Ben, comme vous avez dit. L'expérience, hein, des fois, c'est bon. Exactement. Un homme de 77 ans qui a fait la barbe à des jeunes dans la vingtaine. Ben, donc, c'est un bel espoir pour nous tous, ça. Voilà. Ben, merci beaucoup, Marty. Alors, nous, on conclut avec ça. Et on a donc vécu un petit peu l'excitation d'une course de chiens dans le Nord, dans la toundra. Et la semaine prochaine, ben, on va s'entretenir avec Suzy qui va nous parler de son voyage au Mali. Ok, c'est bon. Comprenez le principe. Donc, on a fait une balado ensemble. Félicitations. Les étapes par après, c'est quoi? On sauvegarde. Même on a dû faire plusieurs étapes pendant. On sauvegarde, on crée un pétou, on shoot ça sur un serveur et on crée un lien à ça. Et après ça, on attend que l'argent rentre. Hein? Merci beaucoup. Merci.